Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Pendant les vacances, nous revoyons ensemble quelques-unes des meilleures sorties de la saison. Un extraterrestre et un robot se posent sur Terre. Leur but n'est pas de tout raser, mais de sauver la planète de la destruction. Votre attention, s'il vous plaît. Veuillez passer par la cour pour gagner directement les hangars. Déposez ici vos téléphones, appareils photo et caméras. Hélène, il m'a semblé important que tu fasses partie de l'équipe. N'aie pas peur. Peur de quoi ? Je vais vous poser une série de questions test. Êtes-vous actuellement en position assise ? Oui. Avez-vous mal ? Mon corps a mal. Êtes-vous humain ? Mon corps, oui. Le général Quinn veut vous voir en salle de briefing. Il dit que c'est urgent. Avez-vous connaissance d'une attaque imminente ? Contre la planète Terre ? Je répète la question. Vous avez senti ? Senti quoi ? Vous devriez me laisser partir. Si la Terre meurt, vous mourrez. Si vous mourrez, la Terre survit. Le jour où la Terre s'arrêta, un film de Scott Derrickson avec Kenny Reeves, un DVD Fox Pathé Repas.